Alors, c'est une histoire qu'on m'a racontée récemment. Et comme j'ai commencé à travailler avec les Samis il y a 50 ans, j'étais très étonnée moi-même. Les Samis, donc éleveurs de rennes du nord de la Fennoscandie, sur 4 pays, Norvège, Suède, Finlande, Russie. Humains, animaux, une vie au travail. C'est un éleveur de Suède qui m'a raconté cette histoire. Et c'était une migration de printemps qui est toujours difficile, comme toutes les migrations, parce qu'il s'agit d'emmener le troupeau sur des centaines de kilomètres et de ne pas en perdre et de faire ça dans un délai relativement court. Autrefois, à ski et à pied, ou avec des rennes de trait ou de bât, mais aujourd'hui avec des motoneiges et des chiens qui aident à garder le troupeau. Et à un moment donné, ils n'arrivaient absolument pas à ce que les rennes passent un endroit difficile et escarpé. Ils étaient à bout de leurs essais et ils trouvaient une idée. Il est allé parler à son vieux Hergi. Un Hergi, c'est un renne castré. Autrefois qui était un renne de trait qui emmenait le traîneau et qui aujourd'hui encore est souvent un renne de tête, un renne qui a une relation beaucoup plus proche avec l'éleveur que l'ensemble du troupeau, parce que l'ensemble du troupeau est aujourd'hui quasi sauvage, en tout cas laissé pendant de longues saisons tout seul. Il trouve sa nourriture tout seul dans les montagnes, dans la toundra. Mais ce renne castré est plus domestique que les autres. Donc il est allé parler à l'oreille de son vieux renne et il lui a dit « Écoute, je sais que tu es très fatigué, mais il faut que je te demande de m'aider et il faut que tu fasses l'effort d'emmener le troupeau là-haut et que tu passes par cet endroit difficile pour qu'il te suive. » Et le troupeau, en effet, l'a suivi. Et quand le vieux renne a fini son travail, il s'est couché pour se reposer. Moi, ce qui m'a étonné dans cette histoire, c'est que je connais les Samis depuis des décennies et jamais j'avais entendu auparavant une histoire où vraiment on parlait, on communiquait avec les rennes. Ce lien singulier, cette communication entre humains et animaux que décrit l'anthropologue Marie Rouet, n'est plus le secret des forêts boréales, des contes nordiques, des paysans et des sciences de la nature. Il commence à irriguer largement les humanités et les sciences sociales. Autrement dit, les animaux ont fini par traverser le campus, rejoignant des champs disciplinaires desquels ils avaient longtemps été absents. Ils interrogent les notions de communauté, d'intelligence et de travail. Pour questionner l'évidence et la permanence de la présence animale, Éric Baratet croise histoire et éthologie. La domestication, finalement, c'est une histoire continue. Il ne faut surtout pas penser à un moment de domestication et puis ensuite, ça y est, plus rien ne bougerait, parce qu'en réalité, on sait qu'il y a des animaux domestiques qui redeviennent sauvages, par exemple, hein, les célèbres Mustangs américains. Des chevaux domestiqués amenés par les Espagnols qui s'étaient enfuis, qui étaient redevenus sauvages et qui ont été capturés et redomestiqués par les Indiens. Hein, donc il peut y avoir comme ça 36 domestications pour la même espèce. Et puis aussi, il faut penser qu'il y a eu beaucoup de domestications ratées. Et finalement, les domestications qui réussissent, c'est lorsque l'espèce en question trouve un intérêt à la domestication. Ou lorsqu'elle est disposée, par exemple, on sait pour les chevaux que la sociabilité équine fait que un homme peut s'introduire dans le groupe équin. Et si l'on tente de remonter le cours de cette histoire le plus loin qu'on peut, Éric Baratet, à quelle espèce arrive-t-on ? Alors c'est le chien. Enfin, les premiers témoignages de domestication semblent remonter à peu près à 40 000 ans, 35 000, 40 000 ans. Autrement dit, c'est l'animal qui de très loin a été domestiqué bien avant les autres, puisque les animaux comme les bovins, les porcs, etc., ont été domestiqués il y a à peu près 10 000 ans, hein, 9-10 000 ans au Proche-Orient, alors que le chien, c'est plutôt l'Asie, la Sibérie. Alors on ne sait pas pourquoi cette domestication, on n'a pas de témoignage, évidemment. Hein. On ne peut avoir que des hypothèses. L'hypothèse la plus probable, c'est la connivence pour la chasse. Hein, c'est-à-dire que et les hommes et les loups ont compris qu'en se rejoignant, ils avaient des intérêts communs et la chasse était de meilleure qualité. Et c'est sans doute cela qui a peut-être incité certains hommes à apprivoiser des petits loups et petit à petit à lancer un phénomène de domestication. La domestication, elle a dû se faire à peu près assurément par l'apprivoisement de quelques individus. Hein, autrement dit, il a fallu choisir les individus les plus adaptés, les moins effrayés par les hommes. Hein. Et c'est à partir de ces individus petit à petit apprivoisés que l'on a pu ensuite créer des lignées qui sont devenues donc des espèces domestiquées, puis des races à l'intérieur de ces espèces. Nos animaux de ferme semblent avoir été domestiqués au Proche-Orient il y a 10 000 ans. Ça, c'était, disons, l'image simple. Maintenant, on se demande s'il n'y a pas eu aussi des domestications sur place, notamment de sangliers européens. Autrement dit, ça serait beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait cru. Il y a eu deux grandes arrivées de populations néolithiques, c'est-à-dire pratiquant l'agriculture, pratiquant l'élevage, ayant des villages, un habitat sédentaire, et donc qui s'est installé petit à petit en Occident, alors qu'à l'époque, il n'y avait que des populations de chasseurs-cueilleurs nomades. Hein, ça a entraîné pour ces animaux-là des transformations très importantes, hein, par exemple entre le cochon, le sanglier et le cochon, mais encore plus entre l'auroch et les bœufs, etc. Et puis, alors, il y a aussi tout l'aspect, et ça a été pratiqué très longtemps, du voisinage avec les populations sauvages. Par exemple, pour les sangliers, pour les porcs, jusqu'au XVIIIe siècle, les populations paysannes lâchent leurs porcs dans les forêts et on pratique le croisement avec les sangliers sauvages. Hein, et on le recherche presque pour des raisons pour concilier des aspects différents entre les domestiqués et les sauvages. Donc ça reste souvent et longtemps en place. Il faut attendre le 18e, 19e siècle pour qu'on veuille vraiment séparer animaux sauvages et animaux domestiques. Qu'est-ce que c'est, ces arbres morts ? Ils sont pas tous morts, là, regardez. C'est des amandiers. C'est de l'amandier de Provence. D'ailleurs, si on regarde par terre, on a des jolies amandes. Les animaux aiment bien. Et du coup, d'avoir des parcs comme ça aussi, différents parcs, il y a des flores différentes. Et les animaux s'équilibrent aussi de leur ration à l'année. Par exemple, en ce moment, je vois souvent les génisses brouter un peu les bourgeons d'amandiers. Alors, ils les abîment pas, mais ils viennent sans doute se faire un petit coup de gémothérapie, tranquille. Et c'est une essence qu'ils aiment bien, c'est doux l'amandier. La limite, ce serait avec des jeunes arbres qui pourraient abîmer s'ils restaient trop longtemps sur la parcelle. Donc là, il y a du pâturage multi-espèces en fin de compte. Il y a une vache, trois génisses et deux chevaux. Là, c'est des vieux chevaux. Un vieux. La jument de trait breton a 22 ans et le petit cheval de sel, il a 27-28 ans. Et là, l'intérêt, c'est qu'un groupe de bovins Là, ils sont 4 bovins. La taille de confort d'un troupeau de bovins, ce serait plutôt une quinzaine d'individus. Les chevaux et les vaches sont des animaux de groupe. Et à un moment, pour leur sécurité et pour leur confort, ils ont besoin d'être un certain nombre. Et pourquoi? Donc, par exemple, la vache un peu grise qui s'appelle Yerdit. Si on enlève les chevaux, on va la sentir un petit peu insécure. C'est le bovin le plus âgé et c'est elle la mère des petits. Donc son rôle de fait, comme là il n'y a pas de taureau et il n'y a pas d'autres adultes, c'est en partie la protection. Il y a aussi l'éducation, il y a aussi guider les autres vers les bons endroits de pâturage, donner le rythme. Mais c'est, du coup ça fait beaucoup pour un seul animal. Donc dans les troupeaux, ils se relaient. Et si on laisse faire naturellement, en général, les vaches s'arrangent pour ne pas mettre bas toutes en même temps. Des fois, il y en a qui sautent une année. Je ne sais pas si c'est conscient, mais en tout cas, la norme en élevage français de vaches, c'est la norme économique, c'est un veau par vache par an. Ok, faudrait mettre des taureaux alors. Beaucoup de taureaux. Donc moi, l'objectif est là aussi, enfin, j'ai des vaches depuis 10 ans, j'aime bien qu'elles fassent un veau par an. Mais après, je mets des chevaux à côté pour pallier. Les chevaux sont capables d'aller éduquer les jeunes bovins et de gérer en partie la protection et de soulager du coup la vache dans ce cas-là. Dans un paysage divers, des animaux et des humains au travail. Ici, près de l'Ourmarin, dans le Luberon, Guillaume, ses bêtes et ses arbres fruitiers. Là-bas, dans les Alpes de Haute-Provence, à quelques kilomètres de Sisteron, Aubin et Pauline, à flanc de montagne, dans leur ferme en bois, au milieu des arbres. Les uns et les autres ont fait le choix d'avoir de petites exploitations et vivent de peu. Donc bonjour, je suis Guillaume, on est dans le Luberon Sud. Moi, ça fait 4 ans que je suis sur ce territoire avec mes animaux. Et donc là, c'est une pâture où ils viennent d'arriver il y a une petite semaine. Là. Ils changent de lieu, les donc animaux. Ils bougent toute l'année, en fin de compte. Ils vivent dehors en groupe affinitaire à l'année. L'idée, c'est qu'ils mangent au maximum sur le territoire. Donc je fais du foin pour les périodes plus sèches ou plus froides. Moi, j'ai une dizaine d'équidés, 2 chevaux de trait, 2 ânes et le reste, c'est des chevaux de selle. Et j'ai 7-8 bovins, dont 2 vaches, un taureau et la suite. La suite, c'est les génisses, les jeunes femelles et les veaux de l'année. Ils tournent sur une trentaine d'hectares là, dans le Luberon Sud, Vosgine jusqu'à Loris, en passant par l'Ourmarin et redescendent un peu sur Cadenet parfois. Et voilà. Ici, il y a une grosse pression foncière. Je suis arrivé, j'ai récupéré des campas. Ce qu'on appelle campas, c'est des friches, en fin de compte, qui ne sont pas utilisées en agriculture actuellement. Et après, l'idée, c'est de retrouver les propriétaires, de leur demander l'autorisation de pâturer. Souvent, c'est sans contractualisation. Donc, il y a une histoire de précarité. Mais moi, ça m'arrange. Enfin, en tout cas, c'est à titre gratuit. Et je crois que chacun y trouve son compte, dans le sens où moi ça me fait des espaces à faire pâturer par les animaux, et c'est aussi des lieux de vie, plus que, enfin ils mangent mais ils y vivent, et pour les propriétaires ils sont contents de revoir des animaux un peu dans ce territoire. C'est des terres qui n'ont pas vu d'animaux depuis peut-être 10 ou 15 ans, donc le fait d'amener des animaux ça relance l'activité dans le sol et ça resélectionne un peu les herbes qui y poussent, en faisant attention à ne pas surpâturer. Et là, c'est assez vert. C'est assez vert et c'est assez riche et avec une belle diversité, enfin, de l'herbe un peu jeune, mais aussi des vieilles herbes sèches. Et du coup, ça leur permet d'équilibrer un peu leur ration, entre guillemets. Et c'est bien. Donc, nous sommes à côté d'une jument de trait. Exactement. Yeah. Une trait breton qui est née dans le Finistère Sud et qui a fait un long périple pour arriver ici. Qui s'appelle Idole de Kergroix. L'histoire de cette jument, c'est que c'est la dernière pouliche qui est née chez mon grand-père, qui est finistérien, qui a été charretier, donc qui faisait le transport après la Seconde Guerre mondiale avec des chevaux de trait. Donc il charriait du bois, du charbon, des pierres, enfin tout ce qu'on peut charrier. Et il a gardé cette dernière jument pour moi. Il me l'a donnée quand elle avait 8 ans et elle avait rien fait. Enfin, rien fait. Elle avait grandi, mais elle n'avait pas vraiment travaillé. C'est ça qui est assez épatant chez cette jument. C'est que le jour où j'ai voulu... Donc moi, je suis plutôt cavalier et j'aime bien les chevaux assez légers. Donc là, je me retrouve avec une jument de 850 kg. Et c'est elle qui a été un peu mon tremplin vers l'attelage et la traction agricole. Et ce qui a été épatant chez elle, c'est j'ai jamais dressé en fait cette jument. On sent que c'est génétique, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mémoire en tout cas. Ces chevaux-là, on travaille avec l'homme depuis plusieurs générations. Et je pense qu'ils engramment du coup des facultés. Par quel biais ? En tout cas, son potentiel génétique est dans ses cellules et dans son cerveau. Et cette jument-là, je ne l'ai pas dressée, je l'ai attelée. Éric Baratet, historien. Il y a eu des époques où les villes étaient grouillantes d'animaux, notamment au XIXe siècle. C'est l'époque où il y a le plus de chevaux, par exemple. C'est l'apogée de la traction hippomobile. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'en 1913, à Paris, c'est la fin des tramways hippomobiles. Et le journal L'Auto, l'automobile, titre le jour où on abandonne, où on met au rancard la dernière rame de cheval automobile, il titre son article « La fin de l'esclavage chevalin ». Bon. Quelqu'un de notre époque va dire « La fin de l'esclavage chevalin, c'est la fin de l'esclavage des chevaux ». Eh ben non, c'est pas ça. On célèbre la fin de l'esclavage des hommes contraints de s'adapter aux chevaux, contraints ces chevaux qui ne veulent pas démarrer quand on veut, qui ont besoin de temps de repos, qui ont besoin de temps d'alimentation, qu'il faut connaître pour qu'ils travaillent bien, dont il faut prendre soin. Une automobile, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein ? Donc vous voyez qu'il ne faut pas trop enjoliver non plus la question du travail. Et alors, vous prenez les villes du 19e siècle, eh bien, il y avait beaucoup de chevaux. Il y avait des vaches, puisque au XIXe siècle, on commence à développer la consommation de lait. Le lait était une consommation très faible, comme la viande auparavant. Et on s'en servait surtout du lait comme un médicament. Et donc, lorsque cette consommation se développe au XIXe siècle, on n'a pas les moyens de conserver le lait, le faire venir de très loin. Donc, on amène des vaches dans les villes. Et il y a énormément d'étables dans les villes, y compris en plein centre-ville, à Lyon, il y a des étables autour de la place Bellecour, vraiment en plein centre-ville, là où, évidemment, il y a la demande. Alors, ces vaches, c'était pareil pour les chèvres, parce qu'on buvait aussi beaucoup de lait de chèvre, qui était aussi un fortifiant. Marcel Proust parle des chevriers qui se promènent dans sa rue et qui vendent le lait, et les servantes descendent avec le bol, et puis ils traient la chèvre sur place, et Marcel Proust en a quotidiennement. Qu'est-ce que c'est qu'un animal domestique ? La définition la plus simple, l'animal domestique, c'est celui qui vit dans la demeure, la domus, c'est-à-dire à la ferme, etc. Mais le problème, c'est que dans la demeure, dans la ferme, vous pouvez avoir des puces, vous pouvez avoir des rats et des souris. Ça n'est pas suffisant. Et l'idée, disons, la plus saillante, la domestication, c'est lorsqu'on maîtrise à peu près totalement la reproduction. On sélectionne les individus, on élimine ceux qui ne nous paraissent pas bons à la reproduction pour donner les lignées souhaitées, etc. Là, on peut dire qu'on a domestication. Mais ça ne suffit pas, parce que ça met de côté, là aussi, tout l'aspect changement de comportement. Alors là aussi, qui peut varier d'une manière, même à l'intérieur d'une espèce domestiquée. Vous prenez les vaches, par exemple, jusqu'au XVIIIe siècle, dans beaucoup de pays, la Bretagne, les Pyrénées, les Vosges, dans beaucoup de pays, les vaches ne sont pas telles qu'on les voit maintenant dans le champ, à côté de la ferme. Elles sont souvent en troupeau collectif au niveau du village et elles sont envoyées dans les forêts pour se nourrir. Et on les laissait très longtemps, plusieurs mois dans les forêts, 6, 7, 8 mois dans les forêts. Comme les rennes. Un peu comme les rennes. Et donc, elles se nourrissaient de feuilles, d'écorce, d'herbes. Étant donné que l'essentiel des terres cultivées étaient des terres d'agriculture, puisqu'elles servaient avant tout à nourrir les hommes. 80%, 90% des terres, c'était des terres à culture, à céréales. Donc avoir des animaux, ça venait après. Dans le bassin parisien, par exemple, du XVIIIe siècle, il n'y a qu'une famille sur trois ou sur quatre qui a un porc. Le monde paysan mangeait très très peu de viande. Ceux qui mangeaient de la viande, c'était les plus aisés, l'aristocratie, la grande bourgeoisie. On avait très peu de prés pour les vaches, donc on les mettait en forêt. Mais du coup, la relation avec les éleveurs, avec les paysans, était très faible. Parce que ces vaches vivaient entre elles, elles se construisaient une sociabilité entre elles une grande partie de l'année. Et du coup, les contacts pouvaient être difficiles. Et à partir du 18e, 19e siècle, va succéder une autre manière d'élever, c'est celle que l'on connaît actuellement, c'est-à-dire qu'on va rapatrier les troupeaux autour des fermes, les mettre sur des terres appartenant aux paysans. C'est l'image d'Épinal de la ferme avec ses deux vaches que l'on rentre tous les jours à l'étable le soir. Alors il est évident qu'avec ces vaches qui vivent à l'étable, que l'on traite tous les jours, que l'on sort le matin, que l'on rentre le soir, on a des relations, les fermiers ont des relations avec ces vaches-là qui n'ont rien à voir avec celles de l'ancien mode. Et ces vaches s'adaptent parce qu'elles ont recréé une sociabilité avec leurs humains. Et on voit très bien comment, à partir des années 1970-1980, s'est redéveloppée l'idée de remettre les vaches à l'année dans les champs. Eh bien, on voit très bien que se recrée une sociabilité bovine. Et on voit renaître, par exemple, des problèmes d'accidents, de paysans qui se font écorner, etc., etc., parce qu'ils n'ont plus l'habitude de leurs vaches, et elles-mêmes n'ont plus l'habitude de la même manière de leurs humains. Elle a une drôle de couleur, cette vache. Oui. Un peu taupe. Beige, rousse. Ça ne va même pas définir. Donc Irdite, c'est une vache maraîchine qui a 7 ans. J'ai élevé des bovins maraîchins dans la région nantaise. J'ai eu jusqu'à une quinzaine de mères. Et j'ai jamais eu de belles prairies avant d'avoir des vaches. J'ai eu des chevaux pendant 10 ans. Mes prairies étaient en mauvais état. Le cheval sur pâture. Le cheval laisse d'herfus, le cheval tasse. Et au jour où j'ai pris des vaches pour monter un petit élevage de vaches allaitantes, un an après, les pâtures s'étaient transformées. Irdite, son histoire, c'est... Donc sa mère s'appelait Blize. C'était une vache que j'appréciais beaucoup dans le troupeau. Bonne mère, bonne laitière. Une horloge dans le sens où... La première semaine d'avril, elle faisait des petites femelles, elle mettait des petites femelles au monde et elle faisait des très jolis veaux qu'elle élevait beaucoup. La maraîchine, c'est une race ancienne. Et moi, je l'ai choisie parce que c'était la race locale et c'était le vélage facile. J'avais pas dans l'idée d'élever des vaches pour tirer sur des veaux à la naissance et de pas dormir et de m'inquiéter. Et donc elle, cette vache-là, elle a gardé une facilité de vélage et elle a un lait riche, elle élève très bien ses veaux. Et à la base, c'était pour faire du veau sous la mer, en vente directe, en agriculture biologique. Et donc l'année où elle est née, j'ai dû avoir une dizaine de veaux et j'arrivais au pré, elle venait me voir et elle venait me lécher les mains. Donc en tout cas, j'ai eu un lien particulier avec cette vache-là dès le début. Il y avait sans doute le truc que j'aimais beaucoup sa mère, que son père a été un taureau maréchin particulier, il s'appelait Echo, et c'était un sauvage. Moi je suis jeune éleveur bovin, je suis pas issu d'une lignée de paysans, j'ai découvert la vache en l'élevant, et le taureau ça me fait un peu peur à la base. Pourquoi? Parce que c'est des animaux puissants. En fin de compte, on se retrouve face à une tonne de muscles et de testostérone. Et quand vous les voyez jouer avec une balle ronde, c'est les balles de foin qui font 400-500 kilos, comme avec un ballon de foot, avec leur tête, et ben ça vous impressionne. Ou quand vous les voyez trotter le long d'une clôture, parce qu'il y a un taureau de l'autre côté de la clôture et que chacun défend son troupeau et que vous les entendez meugler comme des ours, il y a quelque chose d'ancestral, de profond, d'ancestral et de puissant qui se dégage. Et moi, je fais 60 kilos. j'en fais pas une tonne. Donc, et ceci dit, j'ai jamais eu de problème avec les taureaux. J'ai usité 5 ou 6 taureaux dans ma jeune carrière d'éleveur. Et c'est pas des animaux dangereux ou fous. C'est juste des animaux puissants. Moi, j'essaye de passer des contrats avec mes animaux. Je leur propose le mode de vie au mieux que je peux leur proposer. Donc là, on a une petite génisse. Elle est curieuse. Qui s'appelle Ozone et qui est assez vive. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Donc on a Erdite, la maraîchine, et Ozone qui est une maraîchine croisée jersey. Deux races, deux caractères complètement différents. Et donc cette demoiselle a plutôt pris le caractère jersey. Assez vif et incisif. Et vous avez vu qu'elle avait des petites cornes pointues. Oui, toutes neuves. Toutes neuves. Elle ne veut pas faire du mal à l'humain, mais elle a envie d'interagir avec lui. Sauf qu'à un moment, il faut juste lui expliquer, ou nous en tout cas, avoir conscience qu'on n'est pas outillés pareil et que la confrontation vache-vache, c'est front à front. Et donc voilà, moi c'était juste comme elle est jeune, je me permets de lui dire, jeune fille, restez à votre place et restez courtois s'il vous plaît. Elle aurait pu avoir envie de donner un petit coup de corne. Ça doit la chatouiller un peu. Jocelyne Porcher, vous êtes directrice de recherche à l'INRA, l'Institut National de la Recherche Agronomique, et vous travaillez sur le travail animal. Oui, effectivement, c'est une thématique que j'ai démarrée il y a une dizaine d'années. Il y a à la fois mon parcours professionnel, puisque j'ai moi-même travaillé avec des animaux, et puis aussi parce que suite à ma thèse, j'ai travaillé dans un laboratoire de psychologie du travail. J'ai commencé en 2006-2007 des terrains avec une question enfin, qui était « Est-ce que les animaux collaborent au travail ?» J'ai commencé avec une étudiante à travailler sur les vaches laitières dans un système avec robots de traite. Donc on a étudié ça et on a pu produire comme résultat que oui, les vaches collaboraient au travail. Et du coup, après, je me suis dit, est-ce que collaborer au travail, ça veut dire travailler? Ça permet d'interroger la relation aux animaux dans le contexte productif et donc du coup de s'intéresser à leurs compétences, leur intelligence, leurs capacités relationnelles, etc. Donc de voir les animaux d'un nouvel œil. Et de s'intéresser à eux vraiment, quoi, et pas à partir de normes. Le lien entre un humain et un animal, c'est quelque chose de volontaire? Par rapport à la domestication, au processus domesticatoire, je pense que c'est une rencontre. Moi, contrairement aux animalistes ou à tous ces gens qui disent que la domestication, c'est le crime originel de l'humanité, qu'il faut rompre avec les liens domestiques pour libérer les animaux, moi, vraiment, mon sentiment, au contraire, c'est que cette rencontre entre mes animaux sur le temps long, c'est extraordinaire, quoi. Alors que là, on est dans un contexte aujourd'hui où cette domestication, elle est remise en cause. Et à mon avis, d'ailleurs, on est dans un changement complet de paradigme actuellement qui vise à rompre ces liens. En élevage, par exemple, quand vous vivez avec des animaux, vous ouvrez votre monde, en fait. Le monde humain, du coup, il est ouvert sur tout ce qu'apporte le monde animal. Et c'est énorme. Avec les yeux des chèvres, par exemple, c'est pas du tout le même monde que nous, les chèvres. Elles ont un monde où, avec les chevaux, enfin voilà, chaque personne a un accès privilégié à un monde animal. Il y a des gens qui sont cheval, il y a des gens qui sont cochons, il y a des gens qui sont vaches. Les gens qui aiment les vaches, c'est des gens plus ils sont au rythme des vaches. Les vaches, c'est lent, c'est, ça rumine. C'est... Enfin, ça ne veut pas dire qu'évidemment, il est devenu vache. Mais quoi que j'ai rencontré des éleveurs qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien être des vaches. Ils aimeraient bien être des vaches, mais pas dans le sens où sortir de leur corporité humaine, mais mieux comprendre, aller plus loin dans le monde des vaches, quoi. Par exemple, moi, je dirais personnellement, comme j'étais éleveur, que je suis cochon, parce que j'aime bien les cochons. Ils sont eux aussi curieux. Quand on dit copains comme cochons, c'est des animaux très sociaux qu'ils aiment bien. Si vous voyez un groupe de cochons, ils sont tous empilés les uns sur les autres. C'est des animaux très, très physiques. Ils explorent le monde où ils creusent. Les cochons, ils ont un sens olfactif hyper développé comme les chiens. Ils sont intelligents. Ils sont, voilà, c'est des animaux avec qui on peut faire plein de choses. Être chèvre, alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un éleveur, s'il est chèvre, ça veut dire qu'il aime bien les choses un peu inattendues. Voilà, parce qu'avec les chèvres, on ne sait jamais à quoi ça tourne quand même. Vous vivez au-dessus de la bergerie ? Oui. Pauline, est-ce que vous entendez les brebis, les chèvres ? Oui, on les entend. Ça fait partie du quotidien, mais oui, on entend toujours. C'est comme on entendrait des enfants dans une pièce à côté, d'ailleurs. Voilà. On a toujours l'oreille un peu, pas en alerte, mais en écoute. Vous vous définissez comme éleveuse ? Enfin, qu'est-ce que c'est, votre métier ? Moi, j'ai envie de dire paysanne. Pour moi, l'élevage fait partie de la paysannerie. On est avec les animaux, on est aussi avec l'environnement dans lequel on vit. Avec la terre, on fait un peu de jardin, on pâture. C'est un ensemble. Moi, j'ai grandi à la campagne. J'étais beaucoup dehors. À ce moment-là, je me sentais assez proche des animaux sauvages. Enfin, dans mon imaginaire d'enfant, parce que c'était les seuls qui étaient accessibles, entre guillemets. Ensuite, j'ai fait des études d'agriculture, pendant lesquelles je me suis éloignée quand même du milieu rural. J'ai fait ces études à Lyon. C'est un peu paradoxal alors, non ? Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça a été des années pas faciles à vivre. Je l'ai fait un peu pousser par la famille et puis le contexte social où quand on est bon en maths, on fait des études. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les bergers en montagne, donc j'ai passé quelques mois à aller visiter des bergers, et en fait à chaque fois j'avais envie d'être à la place du berger et pas à la mienne, donc c'était assez clair, en fait c'était évident. Et finalement, arrivé au bout, mes voisins, qui sont des gens que je connaissais depuis que j'étais enfant, s'approchaient de la retraite. Ils étaient éleveurs de chèvres, et j'ai décidé à la fin de mes études de m'associer avec eux, d'essayer de reprendre. Et quand vous vous êtes retrouvée la première fois seule avec un troupeau de chèvres ? Quand je me suis retrouvée seule, en fait, on a déménagé de cette ferme, les chèvres et moi, dans un contexte assez tendu. En fait, on est tombé en conflit avec ces personnes-là. Et ça a été assez fort parce qu'on a été hébergés pendant quelques mois sur une autre ferme, dans un hangar aménagé en bergerie, on va dire. Pendant quelques semaines, quelques mois, les chèvres étaient très très proches de moi. Mais après, cette relation-là, je l'ai perdue parce que, en fait, je me suis réinstallée avec mon compagnon de l'époque. Et puis, on a été un peu perdus dans le travail. Lui, il avait des brebis aussi. On a eu des enfants à ce moment-là. On devait construire une fromagerie. Et donc, ce temps, justement, précieux de... Ou juste, j'allais voir mes chèvres pour aller les voir et passer du temps avec elles. En fait, je l'ai plus. En tout cas, je l'ai plus pris. Je voyais plus des chèvres en face de moi. C'était. Je voyais surtout le lait qu'elles faisaient, les fromages, les marchés, tout ça. Et j'ai perdu ce lien avec elles. C'est pour ça qu'après, j'ai arrêté pendant. On s'est séparés avec mon compagnon. J'ai arrêté l'élevage pendant quelques années. Et en fait, j'ai retrouvé ce lien à l'animal que je connaissais d'avant avec d'abord un chat. J'ai repris un chat de compagnie. Et ce lien reconnecté, il se manifeste comment ? Je dirais qu'il se manifeste par un peu une sérénité intérieure. Bon, je vais prendre l'exemple du cheval parce que c'est le plus facile pour moi, mais voilà, quand l'animal fait ce qu'on a envie qu'il fasse, au moment où on l'a prévu, tout ça, tout est beaucoup plus facile en fait. Et on va mieux, les animaux vont bien aussi. Combien y a-t-il de chèvres ? Alors moi, avec mon expérience de laitière, on va dire, ma limite pour un troupeau de chèvres, c'était 35, parce que je trayais à la main. J'ai trayé à la machine avant, mais c'est vraiment important pour moi de traire à la main. Et je trouve que jusqu'à 35, ça va, on peut traire seul, ça reste confortable et agréable. Voilà, puis aussi avec des petits nombres, on peut connaître plus facilement chacune de ces bêtes. Et puis aussi, on a moins d'impact sur l'environnement, sur les alentours. Je parle surtout pour les chèvres, là, le nombre de brebis sur notre ferme va sûrement augmenter parce qu'on va être plusieurs à travailler. Mais on a eu la réflexion, on s'est quand même dit qu'on augmenterait sûrement pas le nombre de chèvres au-delà de 20. Pourquoi ? Pour les pâturages, enfin, les chèvres elles sont un petit peu plus destructives sur les écorces des arbres, etc. Et pourquoi voulez-vous traire les chèvres à la main, Pauline ? Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime bien le geste. On sent plein de choses à la traite. On détecte tout de suite un animal qui va pas bien, je trouve, quand on le trait à la main. Et j'ai trait à la machine et le bruit de la machine me dérangeait vraiment. Et aussi, ce choix-là, il a été renforcé depuis que j'ai eu des enfants et que j'ai allaité mes enfants. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse brancher une machine sur une mamelle. Je trouve ça dur, quoi. Et les animaux, vous les accompagnez de leur naissance à leur mort ? Oui. Les bêtes naissent dans l'élevage. Et puis elles meurent aussi. Soit elles meurent sur l'élevage, soit emmenées à l'abattoir. Moi, je préfère quand c'est sur la ferme. On les accompagne, elles nous accompagnent. Alors oui, il y a cette notion de temps, il y a aussi à travers les épreuves de la vie. Enfin, ça complique un peu les choses. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas bien dans notre propre vie, les animaux, ils le ressentent aussi. Et, en tout cas, pour moi, ça a été difficile. J'ai eu une période difficile de ma vie et j'ai pas réussi à ce que ça n'impacte pas sur mes chèvres. Elles m'ont vraiment pris. Elles sont tombées malades, ouais. Il y en a plusieurs qui sont mortes. Et au moment où j'ai vendu mon troupeau, j'ai vendu une grosse partie dans un autre élevage. Elles sont presque toutes mortes par la suite. Jocelyne Porcher. Quand j'ai commencé avec cette histoire de vache, en fait, j'ai fait de la bibliographie. Je me suis dit qu'il faudrait s'intéresser au travail animal. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Alors je me suis demandé pourquoi. Et en fait, ça se comprend assez bien. C'est parce que les animaux, ils sont du ressort des sciences de la nature, de l'éthologie, la biologie comportementale, etc. Et puis les animaux de ferme, ils sont de l'ordre de la zootechnie. Enfin, produire plus, leur masse musculaire, etc. Et puis le travail, c'est du côté de l'humain. Et donc il y a vraiment un espace entre les deux, l'espace où les animaux travaillent, qui était complètement inexploré. Et du coup, ça rebat les cartes dans le champ des animal studies, qui sont plutôt majoritairement centrés sur l'exploitation, la domination, etc. Donc si on s'intéresse au travail des animaux, on est obligé de se décaler de cette histoire d'exploitation, parce que les animaux, au minimum, ils consentent, et tout ce qu'on a observé, c'est plutôt qu'ils s'engagent dans le travail. Et donc, du coup, la question de l'exploitation n'est pas si évidente. On n'est pas dans le travail humain. Il y a des différences, que je dis ça, il y a la place de l'affection qui est très différente, et il y a la place de la mort dans le travail. Et il y a effectivement les rapports de domination, d'autorité. Alors, des rapports d'autorité, si on est en élevage, il y a une asymétrie des relations, c'est sûr, mais l'élevage, c'est un rapport asymétrique, justement parce qu'il y a la mort des animaux en jeu, puis il y a le fait qu'on donne la vie. on donne la mort. Évidemment, si on peut pas faire l'élevage, si on dit l'animal c'est notre prochain. Voilà, s'il est notre prochain, il est inappropriable et incomestible. Enfin, c'est pas. D'ailleurs, c'est tout l'enjeu de l'éthique animale, de donner une personnalité juridique aux animaux qui rendra illégitime cette asymétrie et qui fera qu'on ne pourra plus vivre avec des animaux, puisqu'il faudra les libérer forcément. S'ils ont une personnalité juridique, c'est des personnes, donc on ne peut pas les approprier. Et a fortiori, évidemment, on ne peut pas les manger. Je pense que pour les éleveurs, ce que je disais, la rationalité première du travail, elle est relationnelle, mais il faut qu'il gagne sa vie pour nourrir ses vaches, pour se nourrir lui-même. Donc non seulement il assume cette asymétrie des rapports entre lui et ses animaux, mais aussi la place de la mort dans le travail, parce que, et je travaille actuellement sur l'abattage de la ferme, donc ce qu'on voit, c'est que pour la majorité des éleveurs, c'est pas la mort des animaux qui pose problème, puisqu'elle elle est intégrée dans le métier, mais c'est les conditions de la mort des animaux. C'est-à-dire, voilà, comment on tue, où. Et effectivement, là, en ce moment, il y a tout un mouvement actuellement à travers notre association qui s'appelle « Quand l'abattoir vient à la ferme ». L'idée, c'est de développer des différents équipements mobiles, quoi, mais qui arrivent à la ferme et qui, du coup, permettent à l'éleveur de maîtriser les procédures, et soit d'être là, soit de ne pas être là, parce qu'il y a des éleveurs qui ne veulent pas être là. Donc voilà, ça, s'adapter à la sensibilité des éleveurs, à leur niveau d'implication dans la mort des animaux, et ça peut être très différent, quoi. C'est très différent, voilà, de devoir, du fait de la loi, emmener ses animaux dans un abattoir où l'éleveur perd complètement la main sur son animal. Il ne sait pas comment il est abattu, il ne sait même pas d'ailleurs si l'animal qu'il récupère après c'est le sien ou c'est un autre. Et donc ça, voilà, ça serait une belle chose pour. Parce que penser la mort des animaux, c'est ce que je pense depuis fort longtemps. Penser la mort des animaux, penser leur fin de vie, ça permet de remonter l'échelle du temps et de repenser le système d'élevage. Quel sens ça a en remontant à la naissance, c'est-à-dire, et du coup, effectivement, qu'il y ait un fil de sens de la naissance à la mort des animaux. C'est le sens même de l'élevage, quoi. Avec l'élevage industriel qui est répandu aujourd'hui partout, on peut comprendre que beaucoup de monde soit choqué par ce qui se passe, et que nous, on peut nous assimiler à cet élevage-là, industriel, qui n'est pas vraiment de l'élevage d'ailleurs. Je vends de la viande sur des foires bio où il y a parfois 60% de personnes qui sont végétariens. C'est l'occasion de discuter, de parler de ce qu'on fait. J'ai pas de réticence, enfin, j'ai pas de. Les brebis, elles nous donnent la viande et la laine, et je suis convaincu que pour elles, c'est clair et que. C'est le rôle qu'elle joue ici avec moi, quoi. Moi, j'existerais pas sans elle. En tout cas, je serais pas ce que je suis. On peut pas être éleveur sans animaux d'élevage. Et eux, ils peuvent pas être animaux d'élevage s'il n'y a pas d'éleveur. Donc voilà, c'est. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu où on se trouve, au Bain? Alors, nous sommes pas loin de Sisteron, dans la vallée du Jabron. On est à 600 mètres. Voilà, c'est dans une petite ferme avec beaucoup d'espace forestier. Alors ici, il y a beaucoup de chênes, c'est essentiellement des chênes dans les forêts. Il y a les pins noirs qui sont en train de prendre de plus en plus de place. Sinon, il y a une herbe endémique du sud-est de la France qui est la filande de Montpellier, qui est une herbe très intéressante pour les éleveurs. En pastoralisme, qui reste vert tout l'hiver, les brebis raffolent, les chèvres aussi. Et avec quels animaux cohabitez-vous? Parce que là, on est entouré quand même de pas mal d'espèces déjà, sur une toute petite surface. Sur la ferme, on a des chèvres, des brebis, des chevaux, puis des poules qui sont là, des chiens, des chats, quelques lapins. Ça fait 15 ans qu'on travaille avec tous ces animaux. Et comment ça se passe, cette cohabitation interespèces? Ça se passe généralement bien, je dis généralement, parce qu'on a eu des petits soucis cette année, là, en début d'année. premier problème qu'on a eu, on a introduit un coq. Ça paraît tout bête, mais en tout cas, on a introduit un coq. Les chiens ne le connaissaient pas, je ne l'ai pas du tout présenté. Je suis arrivé un soir, j'ai posé le coq au poulailler, je suis vite monté à la maison, je n'ai pas présenté le coq aux autres animaux. Et le lendemain, les chiens ont tué le coq et trois autres poules. Parce qu'ils avaient... Voilà, c'était... On est venu perturber l'équilibre et sans prévenir qui que ce soit. Il n'y a que moi qui étais au courant qu'il y avait le coq. Et encore, on me l'a donné en fin de journée. Elle m'a dit, tiens, tu voulais un coq ? Je dis, ah, merci, je suis parti. J'ai même pas accueilli, même moi, je n'ai pas accueilli le coq. Donc voilà, là, c'est dans ces moments-là que ça peut déraper. Mais sinon, ils cohabitent très bien. Et avec la faune sauvage aussi. On essaye de laisser de l'espace quand même au monde sauvage aussi. À la garde, en extérieur, les chevreuils, j'ai remarqué que les chevreuils viennent très facilement peut-être à côté. Là. Les sangliers, on les voit que ils se rapprochent de la ferme mais la nuit. Même avec les chiens sont là, mais ils viennent manger quand il y a des glands, ils viennent là à 10 mètres de la ferme. On va la laisser aller avec les moutons, les mieux. La mise bas, c'était quand, il y a, c'est ça, 2-3 semaines? Voilà, les derniers sont nés il y a 15 jours. C'est ça. Qu'est-ce qui explique cette volonté de vraiment distinguer le sauvage du domestique au XVIIIe siècle, Éric Baratet? Alors, il y a d'abord eu l'idée qu'il fallait que l'homme contrôle entièrement ses animaux. Cette idée de laisser, par exemple, les porcs aller s'acoquiner avec les sangliers, ça paraissait un contrôle insuffisant. Hein, là, on est vraiment dans une approche culturelle. L'homme doit tout contrôler. Il y a aussi l'effet de la zoologie de l'époque, puisque le XVIIIe siècle, c'est l'époque où l'on va se mettre à qualifier les espèces, à définir les espèces en fonction de leur morphologie, de leur apparence. Ce qui n'était pas le cas auparavant. On définit les animaux en fonction de ce qu'ils font. Il y a les animaux qui attaquent les arbres fruitiers, par exemple, ou ceux qui attaquent les jardins, les légumes. Et donc, en définissant en fonction de ce qu'est l'animal, de la forme de l'animal, ça encourageait à bien distinguer, par exemple, entre sangliers et porc. Mais là, on est vraiment dans une approche culturelle. On peut dire que ça n'est pas une nécessité, mais ça rentre dans cette volonté de mainmise de l'homme sur la nature, sur le monde, et en priorité sur ces animaux qui se développent à partir des 17e, 18e siècles. Et puis le 19e siècle, ça sera la volonté de mettre la main sur le monde sauvage. Par les zoos, par l'acclimatation, par les tentatives de domestication, etc. Allez, belle. Marchez, là. Répète. Marchez. Allez, belle fille. Ça va, jusqu'au XVIIIe siècle, la plupart des paysans ont des vaches polyvalentes. Qui servent surtout au travail, c'est-à-dire ce sont ces vaches-là qui tirent la charrue, la herse, plutôt que la charrue d'ailleurs, la charrette, qui donnent un petit peu de lait de temps en temps lorsqu'elles ont un veau, mais elles produisent peu, et qui ne donnent de la viande évidemment qu'en fin de carrière, mais au bout de 20 ans, 25 ans. Alors ces vaches polyvalentes, c'est les vaches avant la spécialisation, soit viande, soit lait. Et avant que les paysans enrichis au XIXe siècle se mettent à acheter des chevaux ou des bœufs pour le trait. Mais là aussi, attention, en 1850, avoir une vache est un signe de richesse. Quand je sors l'âne, par exemple, c'est un jeune âne de 3 ans, donc là, qui est en phase de débourrage-dressage, on va dire, en tout cas, d'apprendre à faire avec l'humain. Donc il connaît le licol, il connaît donner les pieds. Mais maintenant, on est en train de lui apprendre à répondre aux ordres des guides et de la voix, et dans l'idée de le faire tirer des outils de traction agricole ou des voitures d'attelage. Mais du coup, il y a Nayat qui vient me voir et qui dit « J'aimerais bien sortir moi aussi. » Et moi, alors, je suis un peu dérangé parce que c'était pas mon plan de carrière pour elle. Mais voilà, en tout cas, ça montre que c'était une race mixte, la maréchine. Il y a 50 ans, elle donnait son travail, son lait et sa viande. Donc maintenant, la valorisation, c'est la viande. Une race rustique pour produire de la viande sur des terroirs un petit peu difficiles. En tout cas, elle valorise du fourrage grossier. Mais historiquement, dans l'histoire de l'humanité, on a attelé beaucoup plus de bovins que d'équins. C'est une question de vitesse, en fin de compte, à un moment. Le bœuf, il fait entre 2,5 et 4,5 km/h. Le cheval, on est plutôt entre 4 et 8. Donc ça, c'est la canadienne. C'est un outil assez basique, assez ancien. C'est un petit traîneau. Ce qui est pas mal, c'est pour démarrer le travail des chevaux. On n'a pas besoin de le tenir, il peut travailler tout seul. Pour le transporter, il traîne au sol. Et puis quand on veut le faire travailler, on a une position de travail, on met les dents en action. Ça sert à ameublir le sol. Entretien de base sur des vignes, sur des oliviers, enfin autour des arbres grattés. Donc là, c'est un outil assez étroit. Bien pour un âne ou une mule. Un peu sous-dimensionné pour la jument, là. Mais ça va bien. Après, moi, j'ai pas passé le cap de la traction bovine. J'ai l'impression que j'ai encore assez à m'occuper avec l'équin et l'asin. Et c'est quelque chose qui me dépasse et c'est un savoir que j'ai pas du tout côtoyé. Et j'ai des animaux qui aimeraient, mais moi je m'en sens pas capable. C'était Humain, Animaux, une vie au travail. Avec Marie Rouet, Éric Baratet, Jocelyne Porcher, Pauline, Guillaume et Aubin. Merci à Marie-Christine Favet. Enregistrement Thomas Robin, Loïc Duros et Valérie Lavalard. Mixage Alain Joubert. Un documentaire de Marie Chartron et Anne Fleury.